بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 60 60 حديث toujours dans le باب de الرواتب les salat qui sont rattachées aux obligatoires. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Donc elle disait à Aïcha qu'il n'y a pas une salat à laquelle le Nabi sallam était plus assidu que les deux rakat qu'il y a avant le Fajr. Et dans une autre version chez Muslim, il a dit les deux rakat du Fajr sont meilleures que la dunya et tout ce qu'elle contient. Taïb. Yaqul Fadilat al-Shaykh ibn al-Uthaymin. Araoui à Aïcha. Donc le rapporteur c'est Aïcha ibn al-Mu'minin, dont la tarjama a été citée dans le troisième hadith. Yaqul Moudou al-Hadith. Donc ce hadith vient pour parler de ce qui concerne les deux rakat surrogatoires avant le Fajr. Yaqul fil shahr al-jmali, le sens global à comprendre. Tuhadithu Aisha radhi Allahu anha bi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yata'ahad ratibat salat al-fajr ta'ahudan akthar min ta'ahudihi li ghayriha min an-nawafil. Donc Aïcha nous rapporte que le Nabi sallam avait encore plus est encore plus assidu dans les deux rakats du Fajr que les autres. Il avait plus d'attache à ces deux rakats là qu'aux autres qui sont liés aux autres salawat. Surrogatoire. وذلك لما فيهما من الفضيلة والثواب حيث كانت خيرا من الدنيا وما فيها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وربهم يتوكلون. Du fait de ce que cette salat renferme comme mérite et comme récompense du fait qu'elle est meilleure que toute la dunya et tout ce qu'elle renferme, et que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. Yaqul fi fawaid al-hadith anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yata'ahad an-nawafil wa yuhafiz 'alayha. Donc parmi les enseignements utiles à prendre ce hadith, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assidu dans les salawat surrogatoires et qu'il les persévérait dessus, c'est-à-dire il faisait attention à tout le temps les faire. Thaniyan, ikhtisas ratibat al-fajr bi shiddat muhafazat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'alayha. Wa ana khayru min ad-dunya wa ma fiha. Et que justement, il avait particularisé celle du Fajr plus que les autres du fait de leur récompense qui est qu'ils sont meilleurs que la dunya et tout ce qu'elle comprend. وثالثا أن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تصلى في السفر. Et parmi les particularités justement de cette salat du Fajr, ces deux rakat surrogatoires, c'est qu'on les accomplit même en étant en voyage, contrairement aux autres, celles qui sont liées au Dhor, au Maghrib, au Isha et au Asr, غير ذلك, elles ne sont pas accomplies en voyage. Les seules salats surrogatoires que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait en voyage, ce sont les deux rakats du Fajr, le Doha et le Witr, la salat de nuit. Celle-là, il ne les a jamais abandonnées. Hormis une fois le Witr, il n'a pas fait, et le Doha, c'est arrivé également qu'il soit rapporté qu'il ne l'ait pas fait à certains moments. Tandis que sa rakat du Fajr, il les a toutes en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que la rakat du Fajr t'aide, déjà te force à te lever plus tôt, pour ne pas te lever au moment où l'imam fait l'iqama. Tu te prépares à l'avance, à la base, le meilleur c'est d'être levé au premier azan, faire le witr, te préparer, faire l'istighfar, faire le dos. Après le deuxième azan, le vrai, il vient, tu fais deux rakats du fajr à la maison, si tu peux, c'est ça la sunna. Maintenant tu habites loin du masjid, tu vas faire le masjid pour ne pas rater le takbir, si tu peux le faire. Et quand tu viens à la salat qui est obligatoire, tu es nashit, actif, énergique. Alhamdoulilah. Alors que celui qui vient qu'à tout rater, il vient au salat du Fajr et il est encore à moitié endormi dans son sommeil avec un aspect qui n'est pas encourageant. Donc ce salat-là, elle apporte un grand profit au abd. Et c'est son légère. Et la sunna, c'est de rester dedans. El kafiroun et l'ikhlas. La sunna de kafiroun et celle de l'ikhlas. C'est très léger. Ça va très vite. À tel point dans des versions, Aïcha disait, je ne sais même pas si il restait la fatiha tellement il allait vite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deux rakats très légères, très faciles à faire, qui contiennent une grande baraka, qui sont meilleures que toute la dunya, tout ce qu'elle contient. Allahu Akbar. Naam. فنكتب بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين.